La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Il y a quelques semaines, un inventaire inédit nous faisait découvrir les microbes qui peuplent le sous-sol de notre planète. On les appelle donc les intraterrestres. Ce sont tous les micro-organismes qui vivent cachés dans les roches et ils sont nombreux, très nombreux. On les trouve absolument partout sur le globe, parfois à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Une équipe internationale a révélé l'ampleur de ces intraterrestres et c'est l'objet cet après-midi de notre tête au carré pour faire donc connaissance avec cette communauté microbienne de la biosphère profonde. Je reçois trois scientifiques qui ont travaillé sur cet inventaire et vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et Louise Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, on s'intéresse à une mâchoire d'enfant retrouvée au nord de la Chine. Et oui, et on va voir que cette petite mâchoire nous en dit long sur l'évolution de toute l'humanité. Elle est donc très ancienne. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Et nous allons donc découvrir dans un instant le peuple des intraterrestres, ces microbes qui vivent dans les profondeurs de la Terre. Et je reçois pour en parler la géologue Isabelle Daniel et les géomicrobiologistes Emmanuel Gérard et Bénédicte Ménez. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bienvenue, c'est donc un programme de recherche international Deep Carbon Observatory qui est donc à l'origine de cet inventaire qui concerne donc le vaste royaume des microbes des profondeurs. Emmanuel Gérard, c'est un nouveau monde là finalement qui est révélé. Est-ce que l'ampleur de ces microbes était prévisible au départ? On sait qu'il y a des micro-organismes qui habitent sous la surface continentale et sous la surface du plancher océanique depuis les années 90. Ouais. Et on avait, à la fin des années 90, une publication qui nous disait que les prokaryotes, c'est-à-dire les bactéries et les archées qui habitent sous le sous-sol, pouvaient, en termes de quantité de carbone, être équivalentes à toute la vie à la surface de la Terre. On sait maintenant que ils sont très nombreux, ça a été revu un peu à la baisse. Ça équivaudrait maintenant à 23 milliards de tonnes de carbone. Ce qui est déjà pas si mal. Ce qui est déjà pas si mal et qui correspond à la quantité de carbone totale contenue dans les humains à la surface de la Terre. Ouais, on va en parler évidemment et décrire tout cela avec vous dans un instant. Isabelle Daniel, parmi ces micro-organismes, on trouve des microbes que vous qualifiez de zombies. Quelles sont leurs spécificités exactement alors à cela? Ces zombies vivent avec très très peu d'énergie. On pense toujours aux microbes en surface qui se multiplient très rapidement. Ouais. Et à l'intérieur de la Terre, au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la profondeur, ils ont des cycles de vie de plus en plus ralentis, avec ce qu'on appelle des temps de demi-vie qui peuvent aller jusqu'à 1000 ans, 10 000 ans, peut-être même 100 000 ans. Donc ils vivent très lentement. Ouais. Quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude et qu'on a même du mal à s'imaginer. Donc c'est ce qui leur permet vraiment de résister au temps et de pouvoir être présent aussi longtemps que ça. C'est ce qui leur permet de résister au temps et surtout de résister au fait qu'il n'y a pas grand-chose à manger en profondeur, à la fois donc en termes de sources de carbone et puis en termes de sources d'énergie. Donc il faut qu'ils soient extrêmement prudents et parcimonieux dans l'utilisation de leur environnement. Bon, on va donc faire connaissance avec ces zombies dans quelques minutes. Et puis Bénédicte Ménez, il y a un autre aspect dont on va parler avec vous tout à l'heure. Et il concerne la vie ailleurs dans le système solaire, parce que ces microbes intraterrestres pourraient nous donner des renseignements précieux justement sur la vie ailleurs? Oui, effectivement. Sur la surface des autres planètes, on sait que les conditions sont très inhospitalières et avoir connaissance de la présence de ces micro-organismes en subsurface nous donne effectivement des cibles pertinentes pour de prochaines explorations. Ouais, mais ça veut dire que la vie ailleurs pourrait aussi ressembler finalement à ce que l'on trouve nous dans nos roches profondes? Dans les hypothèses qu'on fait, effectivement, parce qu'il y a sur ces mêmes planètes comme Mars ou Encelade des sources d'énergie, des réactions chimiques qui pourraient être des processus qu'on retrouve nous dans notre subsurface terrestre. D'où l'intérêt d'étudier bien profondément justement ces mécanismes pour les comprendre. Allez, on va se retrouver donc dans un instant. C'est passionnant, c'est le peuple des intraterrestres. Et je suis sûr que plein d'auditeurs vont faire connaissance avec ces micro-organismes. Et les questions, on vous les pose bien sûr en se retrouvant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. « Aujourd'hui, Louise, à la Une de la Science, on va parler donc de la mâchoire d'un enfant qui n'avait, selon les chercheurs, même pas 7 ans et donc pas encore ses dents définitives. Oui, et pourtant, il a retenu l'attention d'une équipe de chercheurs internationaux qui a étudié sa mâchoire supérieure fossilisée. Alors, elle a été retrouvée en Chine il y a 100 000 ou 240 000 ans, on ne sait pas très bien. Alors, comme vous en doutez, Mathieu, ce n'est pas vraiment cette mâchoire de cet enfant en particulier qui a intéressé les scientifiques, mais plutôt ce qu'elle a à dire de l'histoire de vie de l'homme, c'est-à-dire de l'évolution du rythme de développement de l'homme à travers les âges, rien que ça. C'est pas mal. Oui, l'étude est publiée dans la revue Science Advances et Paul Taforo, un des co-auteurs de l'étude, va tout nous dire. On le retrouve tout de suite en duplex depuis Grenoble. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue, spécialiste du développement dentaire des hominidés. Vous êtes aussi scientifique de lignes de lumière. Alors dites-nous pourquoi vous avez étudié les dents de ce fossile. Qu'est-ce que vous avez cherché à savoir sur lui ? Alors en fait, on a étudié les dents sur ce spécimen parce que les dents, un peu comme les arbres, enregistrent leur propre développement. La grosse différence avec les arbres, c'est que les arbres le font tous les ans, alors que dans nos dents, on enregistre chaque jour de développement. Et donc, si on peut accéder à ce qui est enregistré dans les dents d'un fossile, eh bien, on peut avoir énormément d'informations sur la façon dont cet individu s'est développé, la vitesse à laquelle il a grandi. Et on peut comparer tout ça avec l'homme moderne, évidemment, mais avec d'autres fossiles qu'on connaît par ailleurs. Et ces dents, vous avez dû les couper en pratique ou vous avez adopté une autre technique ? Alors, pendant des décennies, la seule façon d'accéder à l'enregistrement dans les dents, c'était en effet de les couper. Mais depuis à peu près 2004, on arrive à le faire sans les couper grâce au synchrotron de Grenoble, qui est un accélérateur de particules qui produit des rayons X. Et on utilise ces rayons X, qui sont très particuliers, pour réussir à voir à l'intérieur des spécimens sans avoir à les couper physiquement. Donc on fait ce qu'on appelle des coupes virtuelles. On voit, nous, des coupes sur les écrans, mais les spécimens eux-mêmes n'ont pas été coupés. Et alors, il avait quel âge, cet enfant chinois, à peu près ? Alors, il avait à peu près 6 ans et demi. Je me rappelle plus par cœur de son âge précis, parce que la technique, quand on compte dans les dents, on peut être précis à quelques semaines près. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est pas son âge exact, c'est plutôt le fait que le niveau de développement de toutes les dents qu'il a, c'est-à-dire que on est en train de parler d'un enfant. Donc, normalement, il aurait dû avoir les dents de lait. Alors, les dents de lait ont été perdues sur le fossile, malheureusement. Enfin, elles n'ont pas été trouvées en même temps que le reste. On trouve souvent que des morceaux comme ça. Mais par contre, à l'intérieur de l'os, il restait les germes dentaires. Et quand on regarde le niveau de développement des dents, eh bien, on voit que la première molaire est finie. On voit que la première incisive, la couronne est finie, mais la racine n'est pas finie. La canine, c'est pareil, la couronne est finie, mais la racine commence à peine. Et tout ça, si on compare à un homme moderne, eh bien, ça donnerait également 6 ans et demi. Et c'est ça qui, nous a vraiment intéressé, c'est-à-dire que l'âge mesuré et l'âge estimé par rapport à des standards modernes est le même. Et ça, c'est un peu une surprise sur un individu qui est aussi vieux. Et pourquoi c'est aussi intéressant de voir si cet enfant se développe au même rythme qu'un enfant de 2018 ? 2019. Alors c'est 2019. Enfin, oui, 2019. Alors, il n'y a pas une grande différence. On n'est pas entre un an près, je crois, avec ces échelles. 2019. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Pourquoi il faut savoir ça ? Alors en fait, il faut savoir que l'homme moderne, c'est le primate qui a le développement le plus lent. On dit qu'on a l'histoire de vie la plus ralentie de tous les primates. C'est-à-dire qu'on est enfant très longtemps, on devient adulte très tard, et on va vivre très longtemps par rapport à tout ce qu'on connaît dans les autres grands singes. Et l'une des grandes questions en paléoanthropologie, c'est à quel moment ce système très ralenti se met en place. Alors on sait que quand on est du côté des australopithèques, donc il y a plusieurs millions d'années, le développement ressemble plus à celui d'un chimpanzé, c'est-à-dire à peu près 2 fois plus rapide que ce qu'on a aujourd'hui chez l'homme moderne. Et on sait par exemple que le néandertalien, qui est disparu il y a quand même très peu de temps, eh bien le néandertalien était un tout petit peu plus rapide que l'homme moderne. Et donc là, on est dans un cas d'un fossile qui est un peu particulier, parce que c'est ce qu'on appelle un homme archaïque. Alors on n'est pas tout à fait sûr si c'est un homo sapiens ancien qui a encore des caractères primitifs, si c'est quelque chose qui serait, par exemple, un dénisovien, donc une autre forme humaine qu'on connaissait à l'époque. Enfin, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais l'âge de ce fossile, donc entre 100 000 et 240 000 ans, fait qu'il est vraiment dans la fenêtre qui nous intéresse pour savoir si on a déjà atteint un niveau aussi lent que l'homme moderne ou si on est encore sur quelque chose de plus rapide. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à atteindre plus de précision ? Parce que là, vous nous dites cet enfant aurait eu 6 ans et demi, donc ça c'est très précis. En revanche, l'âge du fossile, lui, il est beaucoup moins. Mais parce que dans le cas du développement dentaire, comme je vous disais, on peut quasiment compter chaque jour. Donc c'est très très précis. Mm-hmm. Mais quand on date un fossile, bah c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. On peut utiliser des systèmes basés sur des décroissances radioactives, on peut utiliser les inversions du champ magnétique terrestre, on peut utiliser tous les autres fossiles qu'on va trouver en même temps. Alors généralement, on essaie d'avoir le maximum d'informations, de tout utiliser en même temps pour avoir la plus grande précision. Mais dans le cas de ces fossiles-là, malheureusement, certaines des techniques n'ont pas donné de résultats suffisamment précis. Et donc, les techniques qui ont donné des informations ont donné en gros deux périodes possibles, une entre 100 et 140 000 et l'autre qui, si je me rappelle bien, entre 180 et 240 000. Et on peut pas être tout à fait sûr de la période. C'est pour ça qu'on considère qu'on est entre 100 et 240 000. Donc on parle d'homme archaïque, hein, puisqu'on n'a pas l'espèce exacte de ce spécimen. Et est-ce que donc il y a plusieurs interprétations possibles, oui. Oui. Excusez-moi. Est-ce que malgré ces imprécisions, ça nous éclaire quand même sur ce fameux point d'inflexion où les hommes ont commencé à évoluer moins vite? Est-ce que ça nous éclaire un peu sur la grande histoire de l'évolution humaine? Alors, ça nous éclaire pas directement sur la grande histoire, ça nous éclaire sur l'histoire d'Homo sapiens. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des fossiles au Maroc qui sont plus vieux que ceux-là, qui viennent du gisement de Hiroud. Et là, on a déjà pu faire le développement dentaire d'un enfant qui est un peu pareil, c'est-à-dire avec des caractères morphologiques primitifs, mais sur lequel on a pu montrer un développement dentaire exactement similaire à l'homme moderne. Mais par contre, c'est la première fois qu'on trouve quelque chose d'aussi ancien en Asie. Or, là où ça nous pose beaucoup de questions, c'est sur les scénarios de sortie d'Afrique de l'homme moderne. Mmh. Parce que le consensus habituel, c'est l'homme moderne évolue en Afrique et vers 120 000 ans, à peu près, il sort d'Afrique et il va coloniser l'Europe et l'Asie en remplaçant les populations humaines qui étaient déjà en place. Donc les Néandertaliens d'un côté, les Denisoviens de l'autre. Et ben là, ce fossile, en fonction de la datation, si jamais c'est 100 000, on pourrait encore considérer que c'est un Homo sapiens, donc la première vague de peuplement de la sortie d'Afrique. S'il est autour de 240 000, ça change beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que c'est peut-être pas un homme moderne, mais que c'est un Denisovien, ou que la sortie d'Afrique de l'homme moderne est plus ancienne que ce qu'on pensait. C'est en ce sens que, voilà, ça nous montre surtout la grande complexité de l'histoire récente de notre espèce. Oui. Mais c'est passionnant, et tout ça grâce à une dent, hein, en l'occurrence. Merci beaucoup, et une mâchoire. On a un peu plus qu'une dent. Oui, absolument. Merci beaucoup, Paul Taforon, en tout cas, pour ces explications. Et puis, Louise, on se retrouve demain avec une nouvelle Une de la Science. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, difficile d'imaginer Saturne sans ses anneaux emblématiques. Et pourtant, il serait apparu très récemment, il y a 10 à 100 millions d'années. Par comparaison, Saturne, elle, s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années au début du système solaire. La planète a donc vécu pendant la quasi-totalité de son existence sans ses anneaux. Ce sont les dernières mesures de la sonde Cassini qui ont permis aux chercheurs de faire cette découverte. Leurs résultats viennent d'être publiés dans Science. Les planétologues avaient des indices de l'âge relativement jeune des anneaux, mais l'âge exact restait l'une des grandes énigmes du système solaire. La preuve de la nocivité du tabac pour l'organisme n'est plus à faire, mais des scientifiques viennent pour la première fois de quantifier les dégâts de la cigarette sur le vieillissement. Leurs conclusions sont à retrouver dans la revue Scientific Reports. En utilisant des modèles d'estimation de l'âge biologique basés sur des marqueurs sanguins et des techniques d'intelligence artificielle, ils ont constaté que le sang d'un fumeur et d'un non-fumeur ne vieillissait pas du tout de la même manière. Les hommes fumeurs vieillissent en moyenne une fois et demie plus vite que les non-fumeurs, et c'est encore pire pour les fumeuses qui, elles, voient leur vitesse de vieillissement être multipliée par deux. Et puis le dernier caribou des montagnes connu pour habiter les États-Unis vient d'être retiré de son habitat naturel et placé en captivité. La nouvelle n'est cependant pas aussi triste qu'il n'y paraît. L'animal est en voie d'extinction et c'est donc une équipe de biologistes canadiens qui a capturé le caribou femelle. Ils l'ont ensuite transféré dans un enclos en Colombie-Britannique et dans environ un mois, les scientifiques prévoient de relâcher le caribou ainsi que deux autres animaux en voie de disparition, donc dans la nature, dans un troupeau canadien plus grand et plus stable. Allez, dans un instant, on s'intéresse aux organismes intraterrestres. You look at me now with those hollow eyes, sockets and smile, and it seems all a lie. They've told me so far. And you show me that life isn't all about extending your time No, it's the perfect time for a bottle of wine. And why do I still care about all? But then without all the fur, I wonder would it fit me? What do you think I prefer? You know, some people draw to not exist. They put a gun to the heart or a knife through the wrist. We either think they aren't smart, it could be something I missed. Right then, she kisses my skin. I don't know. C'était la voix de Tamino à l'instant. La tête au carré. Dites, où est-ce qu'on est? Est-ce que ce sont des étoiles? Non. Ça, c'est le plafond de la grotte. D'où elle vient, cette lumière? J'en sais rien, c'est peut-être une sorte de luminescence gazeuse. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. D'énormes champignons fossilisés. Des sortes de moisissures géantes? On dirait un... terrarium. Un terrarium à des milliers de kilomètres sous l'écorce terrestre. Un monde au cœur. Notre monde. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le centre de la Terre. Voilà, ben c'est notre sujet exactement. On va partir au voyage au centre de la Terre pour découvrir donc ces microbes intraterrestres qui se cachent dans les sous-sols. C'est le résultat d'un grand inventaire réalisé par Deep Carbon Observatory, une équipe internationale donc qui a passé au crible notre planète pour évaluer la densité de micro-organismes présents dans les profondeurs de la Terre. Et c'est donc le dossier de la tête au carré cet après-midi pour découvrir ensemble ce que représentent ces vies microbiennes et vers quoi également elles pourraient nous emmener. Alors pour en parler, trois invités sont venus au micro de la tête au carré. Isabelle Daniel. D'abord, vous êtes directrice de l'Observatoire de Lyon, professeure de géologie à l'université de Claude Bernard Lyon 1. Bénédicte Ménez, directrice de l'équipe de géomicrobiologie de l'Institut de physique du globe de Paris. Et vous êtes également professeure à l'université Paris Diderot. Et Emmanuel Gérard, vous êtes vous aussi géomicrobiologiste à l'Institut de physique du globe de Paris. Et les auditeurs vont nous rejoindre avec toutes les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Racontez-nous d'abord quel a été votre rôle exact dans ce projet Deep Carbon Observatory, Isabelle Daniel, pour commencer peut-être. Oui, je suis impliquée dans le Deep Carbon Observatory depuis le début, hein, donc c'est en 2009, c'est un programme de 10 ans, c'est ça. Voilà, donc il va se terminer fin 2019 avec une grande conférence à l'Académie des sciences aux États-Unis. Ouais. Moi, j'ai commencé dans ce programme-là. J'ai été invitée à participer aux travaux justement sur la biosphère profonde. C'est des travaux que je fais moi dans le cadre de la modélisation, de la simulation expérimentale de cette biosphère profonde. Mm-hmm. Et je me suis occupée de cette communauté avec mon collègue Mitch Sogin jusqu'en 2013. Et depuis, en fait, je m'occupe d'une autre communauté scientifique du Deep Carbon Observatory qui s'appelle la communauté Deep Energy. Ouais. Et qui s'intéresse en fait à l'énergie disponible de façon souterraine dans les premiers kilomètres sous la surface de la Terre. En particulier, toute l'énergie qui peut être contenue dans les molécules organiques et dans le méthane en particulier. Et connaître aussi l'origine en fait de ces molécules. Est-ce qu'elles sont toutes d'origine biologique ou est-ce qu'elles peuvent être synthétisées par des processus non biologiques que l'on dit donc abiotiques? À ces profondeurs, rien ne ressemble finalement à ce que nous connaissons à la surface. Les choses sont très différentes. Les choses, oui, ont l'air d'être très différentes. À la fois très différentes parce que c'est pas du tout les mêmes conditions de pression, de température. Bien sûr, ouais. Et puis il y a quand même des similarités avec des similitudes avec avec la surface, ce qui nous guide aussi partir dans le grand inconnu pour les scientifiques. Ouais. C'est toujours quelque chose. Vous venez de dire, les choses ont l'air très différentes. Ça veut dire qu'on est en train de les découvrir finalement? On a fait pas mal de découvertes quand même depuis ces 10 dernières années, en particulier donc sur la vie profonde. Les micro-organismes, oui, sont différents de ceux de la surface de la Terre pour partie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont intrinsèquement, ils sont très diversifiés, mais on dit qu'ils sont ubiquistes, on les retrouve quand même à peu près de partout sous la surface du globe. Et donc, une des questions qui reste maintenant, c'est comment est-ce qu'ils se déplacent, comment se fait-il qu'on retrouve finalement un petit peu les mêmes sous la surface du globe. Ouais. Quel que soit l'endroit où on se trouve, hein, finalement, on a à peu près Oui, il y a des différences, mais il y a aussi pas mal de similitudes. Bénédicte Ménez, de votre côté, alors votre rôle dans ce Deep Carbon Observatory, c'était quoi? Alors, on a été effectivement impliqués depuis plus d'une dizaine d'années dans des inventaires de ces communautés profondes. On s'est déplacé sur plusieurs sites à la surface du globe, en Islande, en Nouvelle-Calédonie, pour essayer d'aller, à chaque opportunité qu'on avait, d'aller les prélever, soit par des forages, soit par des prélèvements d'eau souterraine profonde. On a essayé de voir qui était là et surtout, comme c'est une science qui est interdisciplinaire, il faut mélanger des géologues, des microbiologistes. L'idée, c'est de comprendre aussi dans leur habitat et de quoi ils se nourrissent, puisque la grosse différence sous terre, c'est que vous n'avez pas l'énergie du soleil et du coup pas la photosynthèse. Donc, quel est le moteur de ces communautés et ce sont les réactions chimiques et donc il faut mélanger les disciplines scientifiques pour comprendre à la fois le type de communauté qu'on a, mais aussi de quelles sources et de quelles réactions chimiques ils se nourrissent, de quels minéraux et de quelles roches. Et vous avez pu voyager dans le monde entier comme ça pour effectuer ces prélèvements? C'est vrai qu'on a eu la chance de travailler sur de très beaux chantiers un peu partout dans le monde. C'est pas mal comme boulot, effectivement. Emmanuel Gérard, vous avez une formation de biologiste. Tout à fait. Au sein de cette communauté donc de Deep Carbon Observatory, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Alors moi, je suis microbiologiste et j'ai suivi Bénédicte Ménez dans ses pérégrinations, pour identifier les micro-organismes qu'on pouvait trouver dans les nappes d'eau profondes en Islande ou dans les cheminées hydrothermales en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et pouvoir identifier leurs sources d'énergie, leurs sources de carbone. Est-ce qu'on peut parler justement, Bénédicte Ménès, d'organismes un petit peu de l'extrême quand même par rapport à ceux qu'on peut connaître, ne serait-ce que sur Terre ? Effectivement, tous les paramètres à la fois physiques et chimiques auxquels ils ont à faire face sont des extrêmes en termes de température. On est bien au-delà des 25 degrés qui règnent à la surface de la Terre. Mmh. On est, comme disait Isabelle, il y a la pression, il y a les conditions aussi oligotrophes, très peu de nutriments. Mmh. Il y a les radiations, les roches peuvent émettre de la radioactivité. Donc il y a tout ça. Et effectivement, tout à l'heure, on évoquait l'idée des zombies. Et c'est aussi parce que... Les organismes zombies, c'est ce qu'on se disait. L'environnement est très contraignant. Et donc du coup, il y a aussi beaucoup d'énergie à mobiliser pour se réparer et se maintenir. Et donc, certaines fois, on a juste cette énergie-là et pas l'énergie pour croître et se développer. Ouais. Isabelle Daniel, alors, expliquez-nous pour qu'on comprenne bien justement pourquoi finalement ce travail de grande ampleur tourne autour du carbone aussi. Parce que le carbone, effectivement, on le sait, c'est un élément qui est absolument central pour la vie. Et parmi tous ces éléments, en fait, on connaissait très mal le budget du carbone sur la Terre. Or, le budget du carbone. Comment il faut l'entendre? On parle beaucoup en fait du rôle du carbone dans le réchauffement climatique. Et il y a beaucoup de recherches qui tournent autour effectivement du carbone et du dioxyde de carbone, du méthane à la surface de la Terre. Il faut savoir quand même que la très large majorité du carbone se situe non pas dans l'atmosphère, fort heureusement, mais à l'intérieur de la Terre. Et donc c'est très important. Et pour quelle raison, en fait, alors, justement? Parce qu'il est piégé dans les entrailles de la Terre? De par la construction, en fait, de la Terre, de par son accrétion, la façon dont la Terre s'est formée et les processus géodynamiques qui gouvernent le fonctionnement de la Terre à l'heure actuelle. Et quand on regarde ce budget à partir de ce qu'on voit sortir au niveau des volcans, rentrer dans les zones de subduction, ce qu'on a dans la vie, etc., il nous manquait pas mal de carbone, dont on suspecte bien entendu qu'il va être à l'intérieur de la Terre. Est-ce qu'il est dans le manteau terrestre, donc plutôt rocheux? Est-ce qu'il est dans le noyau terrestre, donc au cœur de la Terre? Ça, c'était une des grandes questions qui se posait quand on a commencé. Et alors le lien par rapport à ces micro-organismes, finalement, c'est quoi alors? Ben c'est tout le lien en fait du carbone. Par exemple, le carbone qui est contenu dans les micro-organismes dans les roches en subsurface, ben c'est une contribution qui est loin d'être négligeable, qui est très importante par rapport à ce qu'on savait. Ça, c'est vraiment un projet d'ampleur. Hein. On le disait, 10 années, qui a mobilisé plus d'un millier de scientifiques à travers le monde, donc avec des collaborations entre différentes disciplines. Donc là, il y avait un enjeu très très fort, mais c'était aussi quasiment une expédition scientifique au fond, non? Alors c'est une expédition, partir à plus de 1000, on est parti une centaine, je crois. Et vous êtes arrivé à plus de 1000, c'est ça? On est arrivé à plus de 1000 aujourd'hui, distribués en fait dans 52 pays dans le monde. Donc c'est à la fois des interactions scientifiques, humaines et culturelles assez riches, avec des apports complémentaires des uns et des autres, à la fois sur le volcanisme, sur les diamants à l'intérieur de la Terre, sur la formation des diamants. On a révisé le mode de formation des diamants. Donc on en trouve beaucoup à l'intérieur de la Terre, des diamants? Ben, probablement, oui. Ouais. Peut-être pas d'intérêt en bijouterie, mais on en trouve probablement plus que ce qu'on avait imaginé. Là aussi, on vient avec le carbone, oui. Hein, évidemment. Et du carbone, donc ça c'est très spectaculaire. On a révisé les budgets des éruptions volcaniques. La façon en fait dont le carbone rentre dans les zones de subduction, donc là où le carbone est recyclé depuis la surface vers l'intérieur de la Terre. Donc c'est tous ces sujets-là au niveau des formes du carbone et puis au niveau donc des différents budgets, les transferts, les temps de résidence, etc., qui a été revu au cours du temps avec tous ces efforts concertés. Ouais. Il y avait aussi, Emmanuel Gérard, une volonté justement de vulgariser les choses autour du projet Deep Carbon, c'est-à-dire de pouvoir en parler au plus grand nombre pour livrer les informations finalement sur cette communauté microbienne qu'on ignore pour la plupart. Hein. Qu'on ignorait jusqu'à maintenant et qui, j'espère, gagne à être connu, puisque nous, ça fait quand même 15 ans et ça fait 20 ans qu'on sait qu'elle existe et qu'on essaie de l'étudier. Et c'est cette ampleur qui étonne en tous les cas. Ouais. Allez, on en parle cet après-midi. C'est le dossier de La Tête au Carré. Vos messages sur franceinter.fr. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui, je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon. Il dit, je n'atteindrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Extrait de son album inédit, Les Salines, Alain Bachung. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, le carbone à l'intérieur de la Terre et ses organismes intraterrestres. On en parle avec Isabelle Daniel, Emmanuel Gérard et Bénédicte Ménez et vos messages qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Alors, Jean-Paul nous dit ceci, les bactéries justement qui vivent dans les profondeurs, est-ce qu'elles n'ont pas des milliards d'années d'évolution derrière elles? Emmanuel Gérard, vous voulez répondre à Jean-Paul? Oui, tout à fait. Si l'on considère, si l'on extrait l'ADN de ces micro-organismes intraterrestres et qu'on l'on compare avec les micro-organismes sur la surface de la Terre ou à notre ADN, oui, on constate que tous les organismes vivants sur Terre ou sous la surface de la Terre ont la même origine. Et donc, entre 3 et 4 milliards d'évolutions derrière eux. Ouais, donc ça, c'est vraiment une dénomination commune. C'est-à-dire tout le monde fait partie du même arbre du vivant, Bénédicte Ménez. Hein. Finalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait. On vient tous du même micro-organisme. Après, il faut savoir effectivement s'il a préféré se développer à la surface de la Terre ou émerger ouais, dans les port des roches. Ouais. Donc c'est Lucas, le tout premier organisme. Oui, effectivement, on l'appelle Lucas parce que c'est l'abréviation en anglais de Last Universal Common Ancestor, et donc du coup notre dernier ancêtre universel, ouais, commun. Et après, à partir de ces micro-organismes, on sait que la vie a évolué, s'est diversifiée. Ouais. Et on aimerait bien savoir si ça a commencé justement dans les profondeurs chaudes ou à la surface de la Terre, parce que ça c'est une question qui reste vraiment en suspens sur les origines de la vie en particulier. C'est une vraie question parce qu'effectivement c'est une des choses qui a suscité l'intérêt des gens qui se sont intéressés à ces intraterrestres, c'est que on sait que cette vie qui s'est développée à l'abri dans les pores de la roche, en fait, elle est intéressante parce que quand la vie s'est développée sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années, on sait que la surface était très inhospitalière. On avait, oui, des bombardements de météorites, on n'était pas protégé des radiations UV. Et donc, du coup, savoir que une vie est capable de se baser sur la chimie, les réactions chimiques entre les minéraux dans les roches, permet d'imaginer une vie préservée de cette surface inhospitalière qui pourrait dériver en première cellule, en première communauté. Ouais, Isabelle, Daniel, d'où l'intérêt également, évidemment, d'étudier ces micro-organismes qui pourraient faire penser à ce qu'était la soupe primitive des tout débuts ou pas, alors? Ah oui, ils ont émergé à partir de la soupe primitive, mais comme le disait Bénédicte, ce qui est vraiment important, voilà, c'est d'essayer de voir un petit peu quelles étaient les caractéristiques de cet ancêtre commun en relation avec les caractéristiques de l'environnement primitif. Il faut pas oublier qu'au moment où on pense que la vie s'est développée à la surface de la Terre a été stérilisée quand même plusieurs fois suite aux grands impacts de météorites. On pense souvent donc au grand impact lunaire, ça c'est certainement le plus spectaculaire, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui ont largement stérilisé la surface de la Terre. Donc là, d'où l'intérêt, évidemment, qu'on porte... Il faut l'imaginer comment, la Terre, alors, à ce moment-là, dans ces situations précises. La Terre, très rapidement, elle a eu un océan en sa surface, mais il faisait probablement assez froid, quand même, à la surface de la Terre. Je pense que c'est une vision qui est un peu différente de celle qu'ont les gens à l'heure d'ordinaire. Mais régulièrement, cet océan a été vaporisé suite aux grands impacts. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que l'intérieur de la subsurface de la Terre est un refuge, en tout cas intéressant pour les micro-organismes. Est-ce qu'ils se sont développés là de façon initiale, ou est-ce qu'ils y sont réfugiés lors de ces grands impacts? Ça reste des questions qui sont évidemment ouvertes. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent aux caractéristiques de Lucas, hein, comme le disait Bénédicte, savoir effectivement est-ce que c'était plutôt un organisme qui, dans son modèle, aimait plutôt la température telle qu'on l'a en surface de la Terre. On n'a pas beaucoup d'idées sur la pression, ses activités métaboliques. Voir un petit peu s'il avait plus d'affinité avec la surface ou plus d'affinité avec la profondeur. Et ça, je crois qu'on n'a pas de réponse tranchée encore à l'heure actuelle. Emmanuel Gérard, pour comprendre comment justement cette communauté de scientifiques a pu travailler pour réaliser cet inventaire et ce projet de 10 ans, il faut presque vous imaginer comme allant à la pêche aux micro-organismes un peu partout, dans les endroits les plus inhospitaliers du monde. Chercher une aiguille dans une botte de foin, à peu près. Et donc, dans les profondeurs en particulier. Dans les profondeurs, donc il y a eu des forages océaniques et des forages aussi sur les continents. Et l'ensemble des résultats obtenus à partir de ces dizaines de forages, centaines de forages en mer, a permis de dresser un inventaire. Ouais. Mais c'est quand même une partie infinitésimale de la subsurface qui a été explorée. Et donc, il reste vraiment une infinité d'environnements à explorer et qu'on commence tout juste à comprendre. Donc, c'est une extrapolation là que vous pouvez faire, justement, Bénédicte Ménès, par rapport déjà à ce qui a été trouvé, essayer de l'élargir pour voir à l'ensemble du globe ce que ça peut représenter. Oui, effectivement, on est obligé d'extrapoler parce que à la surface de la Terre, on a des roches de nature différentes qui vont apporter des environnements différents pour que les micro-organismes se développent. Donc, toutes les opportunités ont été bonnes, finalement, ces 10 dernières années. Et au-delà des forages, il y a eu aussi toute l'exploration des mines profondes en Afrique du Sud, dans les grands cratons. Dès que l'homme est capable de creuser à plusieurs kilomètres de profondeur... On appelle ça un craton, c'est ça ? Oui, les cratons, c'est des zones de nos continents qui ont été très stables depuis des millions d'années. Et donc, du coup, en fait, dans ces cratons, on a trouvé des micro-organismes très anciens qui vivaient dans des... port où l'eau est restée isolée plusieurs millions d'années. Ah oui. Et du coup, ça fait vraiment des portes ouvertes sur la subsurface. Et donc, du coup, le scientifique de ce point de vue-là était un peu opportuniste, c'est-à-dire à essayer, au travers de l'industrie ou de projets internationaux comme les projets de forage océanique, de se greffer pour essayer d'avoir accès à cette profondeur. Alors, comment vous arrivez à préserver finalement ces organismes qui vivent là dans des conditions très particulières pendant parfois donc des millions d'années pour pouvoir les étudier sans dénaturer justement cet écosystème absolument unique? Comment vous procédez? Alors, on a le même problème que les gens qui vont explorer la vie extraterrestre, parce que on est face à la systématique de la contamination. Oui, c'est-à-dire que dans un sol ou dans votre peau, vous avez des milliards de micro-organismes. Donc, dans le laboratoire, des micro-organismes se promènent dans l'air, même dans les produits chimiques que vous utilisez. Et donc, du coup... Et donc, du coup, en fait, dans les roches, on a quelques milliers à quelques dizaines de milliers de micro-organismes qui vivent dans un millilitre ou d'eau ou un milligramme de roche. Mmh. Et donc, du coup, si vous les sortez, ben effectivement, oui, ils risquent d'être complètement masqués par tous leurs amis microbiens autour. Et, ouais, et donc, du coup, il faut aller... C'est pour ça qu'on se déplace beaucoup aussi, parce qu'on va systématiquement prélever nos propres échantillons, mmh, pour fixer l'ADN et qu'on puisse le caractériser ensuite en laboratoire. Ouais, Isabelle Daniel, ça représente une vraie difficulté justement dans ce travail, hein, c'est de pouvoir maintenir les conditions initiales de ces micro-organismes. Oui, bah, y a un aspect effectivement qui est de pas contaminer les échantillons qui ont été prélevés. Donc ça veut dire travailler en conditions de stérilité. On se comporte presque comme si on travaillait pas face à un microbe qui risquait de nous contaminer. Ouais. Et puis vraiment conserver les échantillons à l'abri de toute source de pollution. Donc parfois dans des chambres stérile. Ouais. Là, la dernière grande expédition, par exemple, qui a été faite en milieu marin, donc qui a essayé de rechercher la limite en température de la vie pour traiter les échantillons et avoir recherché les quelques cellules qu'on pouvait trouver. Les échantillons, en fait, ont été transportés en hélicoptère depuis le bateau jusqu'à la base de recherche, où les échantillons ont été immédiatement transférés en chambre stérile, découpés, de façon à garder que le cœur de l'échantillon et compter les quelques milliers de cellules par gramme ou par millilitre qu'on pouvait avoir dans l'échantillon. Donc ça, c'est un aspect qui est très important et qui rend effectivement les opérations assez périlleuses et qui nécessite de mettre nos forces en commun pour y arriver. Didier demande sur franceinter.fr, on nous parle de la vie microbienne à grande profondeur, mais y en a-t-il aussi dans les roches que l'on peut voir à la surface et qui étaient auparavant justement en profondeur ? Bénédicte Ménez. Oui, effectivement, on a la tectonique des plaques qui nous met les roches en mouvement constamment. Oui. Donc, effectivement, certains micro-organismes qu'on va retrouver dans les premières centaines de mètres sont des organismes qui ont pu provenir de plus profond. Mmh. Emmanuel Gérard, à quelle profondeur, justement, est-ce qu'on a pu aller pour Deep Carbon Observatory? Parce que ça va à plusieurs milliers de mètres, hein, justement, dans les océans. Oui, même plusieurs kilomètres. Ouais. Donc, on a détecté de la vie jusqu'à 2,3 kilomètres de profondeur sous la surface du plancher océanique et environ 5 km en surface continentale. Surface continentale. Ouais. Et les températures, alors, elles sont de quel ordre dans ces profondeurs extrêmes? C'est le paramètre le plus important qui va déterminer si la vie est possible ou pas. Ouais. Donc la limite de température pour la vie actuellement, c'est au-delà de la température d'ébullition, au-delà de 100 degrés, ouais. 113 degrés assurément, peut-être 121 degrés. Ouais. Et donc on arrive à des températures, ça dépend en fait des endroits, mais donc on peut considérer qu'on a de la vie au-dessus de 100 degrés. Ouais. Et alors Isabelle Daniel, quel est le mécanisme qui permet justement à ces organismes de pouvoir supporter des températures aussi fortes? Elles sont constituées de quoi finalement? Elles ont une carapace particulière? Comment fonctionnent les protéines? Enfin, expliquez-nous ça. Alors les protéines, c'est effectivement là la question que vient de soulever Emmanuel, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce que l'on pense, c'est que on sait que les protéines ont vraiment, c'est ce qui est le plus sensible dans la cellule, ouais, avec la membrane de la cellule qui fonctionne très mal au-delà d'une centaine de degrés Celsius, et c'est probablement là qu'est la limitation de la vie. Donc après, en termes de profondeur, ça va vraiment dépendre de l'endroit du globe où on se trouve, et en fonction de l'évolution de la température, en fonction de la profondeur. C'est un petit peu ce que raconte l'article qui a été largement diffusé. Ça va dépendre de la profondeur à laquelle on va passer les 100-110 degrés en profondeur. Donc ça peut être quelques kilomètres seulement dans des régions extrêmement chaudes, et ça peut aller jusqu'à plus d'une dizaine de kilomètres quand on se place dans des zones où la température évolue très peu en fonction de la profondeur, comme les zones de subduction. Ouais. Allez, on va justement découvrir avec vous ces micro-organismes. On va faire connaissance de plus près. Ce sera dans un instant. Et d'autres messages pour vous sur franceinter.fr. C'est la dernière fois que je dépense pour toi 120 centimes. Toi, j'y ajoutais le prix du papier, ta nicotine. Une cartouche entière pour calmer mes nerfs avant d'écrire. Une cartouche qui se fume, une lance-cils aux plumes pour qu'il transpire. Mes sueurs profondes dans mon cœur la sonde pour qu'il diffuse ses sentiments vagues, marqués par la bague du doigt qui t'accuse. Bague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, c'est l'heure du destin qui choisit. Timbre obitéré, ma langue est restée collée dessus. Dans de l'eau des taches, ce lambeau qui cache un baiser perdu. Le papier qui brûle, geste ridicule, j'ai renversé sur l'encre d'étude, bleu des mers du sud, le cendrier. Et pas de suite possible pour cet impossible missive confuse, ces sentiments vagues, marqués par la vague du doigt qui t'accuse. Vague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargé rempli. Petit souvenir des années 80, Michel Jonas avec les wagonnets. La tête au carré sur France Inter. Voilà les microbes intraterrestres avec mes invités Isabelle Daniel, Emmanuel Gérard, Bénédicte Ménez et vos messages sur franceinter.fr. Alors on n'a pas donné ce chiffre tout à l'heure, Bénédicte Ménez, mais ces microbes justement intraterrestres, c'est 70% de tous les microbes de la Terre. Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que cette vie, elle est essentiellement microbienne puisqu'on a très peu de place pour se développer dans les pores et les fractures de cette roche. Mais on peut trouver aussi une plus large diversité, des micro-champignons, des vers de taille microscopique. Donc, les eucaryotes ne sont pas non plus absents. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on trouve justement comme type différent de micro-organismes, Emmanuel Gérard ? Voilà, donc c'est comme le disait Bénédicte, ce sont des micro-organismes, donc microscopiques, et principalement des prokaryotes. Alors, c'est un peu les prokaryotes, ce sont des bactéries et des archées, donc des êtres unicellulaires qui n'ont pas de noyau ou est enfermé l'information génétique, comme dans nos propres cellules. Ouais. Et les eucaryotes, alors, on en trouve ou pas du tout ? Si, on trouve quelques eucaryotes, donc c'est pas la majorité de la biosphère profonde, donc des champignons ou des nématodes, des vers microscopiques qui vont aller se nourrir sur les tapis formés par les bactéries. Ouais. Alors Paul vous pose cette question, est-ce que vous pourriez nous dire si les éventuels liens qui uniraient cette vie microbienne du sous-sol, bien justement, peuvent impacter la surface ? Et est-ce que ça a un impact sur la vie à la surface en général ? Et à l'inverse, est-ce que l'activité humaine pourrait avoir un impact sur ces micro-organismes des profondeurs ? Bénédicte Ménez, pour répondre à Paul. Alors effectivement, c'est un des résultats du Deep Carbon Observatory qui a donné cette vision un peu globale du rôle très important que peuvent avoir ces micro-organismes dans la subsurface comme des médiateurs du cycle des éléments. Et donc du coup, on sait maintenant que leur rôle est très important puisqu'ils influenceraient directement la composition de nos océans et de nos atmosphères et donc les environnements dans lesquels se développe la vie. Même l'atmosphère, c'est-à-dire qu'à une telle profondeur, on peut aussi avoir un lien et une sorte de boucle. Tout à fait, donc c'est vraiment une boucle et donc ils impactent sur notre environnement de vie à la surface. Isabelle Daniel, c'est une surprise ça ou pas ? Ou finalement on avait quand même une certaine idée de ces échanges entre l'air et les profondeurs ? Alors oui, on avait une idée de l'air, des échanges entre l'atmosphère et les profondeurs. Je pense que ce qu'on ne pensait pas, c'est que ça vienne effectivement des microbes. Mmh. On pensait plutôt que ça venait du fonctionnement interne de la Terre sans la biologie. Or, ce n'est pas le cas. La biologie vraiment contrôle. On a beaucoup d'émissions de l'émission de méthane, il y a de l'hydrogène qui est émis, il y a également vraiment tout le cycle en fait des métaux qui est impacté par l'activité microbienne en profondeur. Ouais, Bénédicte Ménez. Oui, et vice-versa, si la vie intraterrestre impacte nos environnements à la surface, on sait que inversement, on va pouvoir aussi impacter sur ces communautés profondes si on dérange d'une certaine façon l'équilibre qui s'est établi entre les fluides géologiques, les roches et ces écosystèmes. Quand vous dites déranger, c'est quoi ? C'est polluer tout simplement ? Au travers de pollution, effectivement, de nappes phréatiques dans lesquelles on injecterait des métaux, mais il y a aussi toutes ces technologies qui se développent actuellement et qui sont liées à l'utilisation du sous-sol, que ce soit pour stocker des déchets radioactifs, stocker des gaz à effet de serre comme le CO2, ou à terme stocker de l'hydrogène comme stockage temporaire d'énergie. Et donc stocker du carbone par exemple dans les profondeurs. Merci d'introduire si bien le sujet que nous allons entendre, vous êtes parfaite, je vous embauchais à la tête au carré, Bénédicte Ménez. On va partir justement en Islande pour découvrir un projet de capture justement du carbone dans les profondeurs. Il faut s'éloigner de la capitale Reykjavik, emmené par ces deux scientifiques, et s'enfoncer dans les routes glacées de l'Islande. Au fond d'une vallée se dresse cette imposante usine géothermique. Voici la première mini-usine au monde à émissions négatives. Elle ne pollue pas, elle ne fait pas zéro émission, elle fait mieux, elle dépollue. Cette bouche d'aspiration que vous voyez là, c'est un collecteur d'air. On aspire l'air ambiant et on va en retirer 90 ou 95% du dioxyde de carbone. Dans ce tuyau circulent 30 litres par seconde, avec le CO2 qu'on a capturé et qui est dissous dans de l'eau et qui sont projetés dans le sol. Véhiculé par l'eau, le dioxyde de carbone va être envoyé entre 500 et 2000 mètres de profondeur. Cette technologie permettrait ainsi de stocker dans le sol près de 40% de la pollution au CO2 que l'humanité a engendrée depuis plus d'un siècle. Voilà, Emmanuel Gérard et Bénédicte Ménez, vous connaissez parfaitement cet endroit en Islande. Hein, oui, tout à fait. Nous y avons travaillé depuis 2008. Ouais. Et donc, on a fait un suivi des communautés microbiennes qui se trouvaient dans la nappe d'eau souterraine où a été injecté le CO2. Alors, avant l'injection, on avait une communauté bien tranquille, pas très abondante. Et lorsqu'on a injecté du CO2 dans cet aquifère profond, on a pu observer un bloom, c'est-à-dire une multiplication absolument extraordinaire des micro-organismes qui ont utilisé le CO2 comme source de carbone, mais pas uniquement le CO2. Le CO2, en fait, en acidifiant, a provoqué la dissolution de la roche basaltique, a libéré du fer, du calcium, du magnésium et de la matière organique prisonnière dans les vésicules du basalte, de la matière organique produite abiotiquement. Et ces micro-organismes ont utilisé tous ces éléments pour se multiplier. Et finalement, ça a conduit au colmatage du puits qui a été fermé à cause de la multiplication de ces micro-organismes. Mais donc, c'est pas une bonne nouvelle, alors, ce qui s'est passé ? Par rapport aux micro-organismes, non, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Donc, Bénédicte Ménez, sur ces projets, justement, de capturer le CO2 en profondeur, parce que c'est vraiment étudié dans le monde entier, ça, hein, justement, sur ces problèmes d'émission de CO2. Là, on a un exemple qui nous dit que, voilà, c'est quand même pas si simple à faire. Mais c'est vrai qu'on se tourne vers cette voie, parce que si on veut vraiment régler ces problèmes de quantité de CO2 trop importante dans l'atmosphère, il va falloir qu'on se tourne vers cette subsurface et qu'elle gère temporairement pour nous ces excès de CO2. Et donc du coup, ce qu'on appelle le stockage géologique du CO2 va être une technologie que les gens souhaitent développer pour pallier à ces émissions. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'effectivement, c'est pas que c'est infaisable, mais il faut considérer le problème en prenant justement en compte ces micro-organismes. Bien parce sûr. Que si on en si c'est on les décorrèle, c'est un écosystème à part entière aussi. Tout à donc fait. Si on vient le perturber avec ce CO2, on peut aussi entraîner, j'imagine, des dégâts. Et oui, parce qu'au début de l'émission, on a évoqué ces environnements où finalement les micro-organismes étaient en mode zombie parce qu'ils se développaient très lentement du fait du manque de nutriments, leur apporter massivement du CO2 leur donne une source de carbone relativement inespérée. Et donc du coup, si on veut regarder un petit peu comment va réagir l'intégralité du système, ces sites de stockage, il faut non seulement le regarder d'un point de vue géologique, chimique, mais aussi maintenant biologique, parce que en fait c'est trois systèmes qui vont interagir. Donc si on veut savoir ce qu'on fait et stocké de manière pérenne. Soit on va au-delà de cette fameuse limite des 120 degrés où il n'y aura plus de vivant, soit il faut absolument en tenir compte. Donc Isabelle Daniel, il va falloir faire attention à ne pas réveiller ces zombies, c'est ça ce que vous nous dites aussi ? Oui, bah, ils sont passés de la famine, enfin en Islande, là ils sont passés de la famine au festin. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, il y avait d'une population extrêmement raréfiée, enfin ça n'avait rien de spectaculaire en termes de densité cellulaire. Là, on est tombé sur des choses qui sont extrêmement denses et puis qui ont conduit donc à boucher le puits, comme l'ont indiqué Emmanuel et Bénédicte. Donc oui, il faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire que dans notre vision du stockage du dioxyde de carbone sous la forme minérale, ce qui est vraiment le Graal en termes de stockage du carbone, on peut pas ignorer, on peut pas juste faire comme si on avait que des roches en profondeur, ce que beaucoup tentent à croire. C'est aussi la force de cet article qui nous montre qu'il y a beaucoup de biosphère en profondeur. Il faut vraiment la prendre en compte dans les travaux qui sont menés. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois d'être venues nous présenter donc les résultats de ce Deep Carbon Observatory. Ça n'est pas terminé, il y aura d'autres résultats d'ici la fin de l'année. Et puis demain, on remontera en surface justement pour étudier les populations bactériennes, puisque c'est un peu notre semaine biologie et micro-organismes. Merci beaucoup à toutes les trois.